jour. Je me couche sans savoir pourquoi je me lève. N'éprouve pas de regret, marche droit. Mais c'est pas le tout de savoir rapper. C'est pour ça que je le fais, que je pourchasse le verbe sans avoir les cartes pour. Je passe des nuits blanches sans ma verte. Et je vois rouge, y'a pas le feu, donc je passe le dernier carrefour. C'est ça que je veux et si je peux, j'amène les cartouches. Les soirs me va dans Bédave avec les capcouses. Les partout se multiplient dans le rap game, c'est partout le même parcours. Ça se justifie sans arrêt, toujours. Les mecs voudraient sembler farouches, je devrais changer d'arme pour me battre. Je me purifie dans l'arène, ouais. Un public immense, ça me plairait, ils parlent tous. Les puristes n'y manquent jamais, vrai. J'avoue, je passe tous mes dimanches à l'air frais. Mais quand la roue tourne mal, c'est difficile sans sa mère, frère. Ce monde tombe dans la course du délire. N'éprouve que du débile pour tous ceux qui méprisent. Dans la douleur, ils veulent tous te juger. Mais dans la douceur du ciel, je vois que le souffle du zéphyr. Je n'ai pas le cœur de la couleur du miel, fils. Mais pour que tu résistes, j'ai tout ce que tu désires. Mais tripé ma plume pour seul budget. Mais dans la douceur du ciel, je ne vois que le souffle du zéphyr. Chaque année, c'est dingue. Les oiseaux migrent, la race va s'éteindre sans avoir approché le paroxysme. Mais je taffe aussi mes rimes, mes acolytes anonymes s'approchent. N'associe pas nos lignes d'ado au tableau de vie de Pablo Picasso. Aucune âme dans nos 16, ça complique la chose. À force de voir les nuages gris s'assombrir là-haut, on n'a plus qu'une façon de vivre la nôtre. Le rap ne mérite pas de choix. Un pro c'est merdique, mais y'a pas le choix, ça se voit. Je vais pas donner le verdict, ma foi. Et je n'exhibe tatouage qu'auprès des flics. La loi modèle éthique, parfois mauvaise et triste à croire. Demande à l'inspecteur McNulty, des heures à leur dire. Cette seule valeur guide ma foi. Je prends ma plume, mes feuilles parlent de nuit. Mais c'est quand je remplis mes pages que je vide l'ardoise. Ce monde tombe dans la course du délire. N'éprouve que du débile pour tous ceux qui méprisent. Dans la douleur, ils veulent tous te juger. Mais dans la douceur du ciel, je ne vois que le souffle du zéphyr. Je n'ai pas le cœur de la couleur du miel, fils. Mais pour que tu résistes, j'ai tout ce que tu désires. Mais tripé ma plume pour ce budget. Mais dans la douceur du ciel, je ne vois que le souffle du zéphyr.